nous on vient chez toi, s'il y a du robo. On vient de la tête, donc ça charbonne le robo. La vie de ma mère, nous on quitte pour le robo. On enlève des bibos pour le robo. Ah le robo. En manque d'attention, on refait monter la tension. En pleine ascension, vos rappeurs sont sous pression. Je précise à présent ma première page de la presse. Je regarde mon bidon, moi le rap m'engraisse. Je regarde ton bidon, toi le rap t'agresse. Ça sent la reste en faillite comme la graisse. Je parle pas ton flot démodé comme les tresses. Je m'en bats les bouches, fais confiance comme un mort. Et le roro, puis le reste, connais pas. Je m'en bats les bouches, fais confiance comme un mort. Et le roro, puis le reste. On vient chez toi, s'il y a du robo. On vient de la tête, donc ça charbonne le robo. La vie de ma mère, nous on quitte pour le robo. On enlève des bibos pour le robo. Ah le robo. Ouais c'est bon. Posé dans le piano, je m'en bats les couilles, on est